Chapitre 4. Comment le roi Marsile eut une vision. Peu de temps avant ce qui précède, Marsile eut une vision à Saragosse. « Suivez-moi en Espagne, mes enfants, vous n'en serez pas fâchés, car je vous jure que, sauf le paradis terrestre dont je ne puis juger, il n'existe rien de plus merveilleux. Là croissent à l'état sauvage le santal, le nard, le safran, l'ébène et le girofle, les fleurs les plus extravagantes et les fruits les plus savoureux. Les ruisseaux fredonnent plus gaiement que partout ailleurs, éclaboussant à plaisir des rives verdoyantes. De tous côtés, des arbres au feuillage luxuriant servent de retraite aux oiseaux les plus bavards du monde. L'orchestre se compose de la fauvette, du rossignol, du ganga, de la tourterelle et de mille autres. Dois-je aussi, au risque de vous faire venir l'eau à la bouche, vous nommer quelques-uns des fruits de ce merveilleux pays ? Que dites-vous de la figue, du raisin, de la grenade, de l'amande, du limon, de l'ananas, de l'olive, de l'orange et les fleurs ? Partout des buissons de roses, de lys, de chrysanthèmes. Ici le biophthalme, la violette. Là le narcisse et la momme. Les ruisseaux frais, abondants et limpides, promènent leurs eaux sur des cailloux brillants comme la gemme et la topaze. Des jardins comme en Perse, des minarets comme à Bagdad, un ciel bleu comme nulle part, des nuits qui font regretter le sommeil. Partout la richesse, la beauté, la gaieté, l'abondance. Voilà l'Espagne. Mais tout cela est gâté par la présence des Sarrasins. Marsile repose. Il est étendu sur des coussins d'une richesse merveilleuse. La rotonde dans laquelle il est venu chercher un abri est d'ivoire coloré, incrusté d'or. Au centre, une fontaine d'eau vive répand la fraîcheur, tandis que, dans des coupes de pierre dure, une poudre composée de musc, d'ambre et de camphre, pétrise avec de l'eau de rose raffinée, embaume l'air. Soudain, le jour devient blafard. À la fraîcheur qui délasse a succédé le froid humide des souterrains. Les parfums sont remplacés par une odeur fétide, comme il en sort des tombeaux. Les fleurs se fanent. Tout ce qui brillait se ternit, et un mort vient s'asseoir auprès du roi de Saragosse. À peine a-t-il une forme, c'est un composé de lambeaux et de tronçons, et les riches étoffes qui l'enveloppent le rendent encore plus hideux. « Père, dit le mort, m'avez-vous donc oublié ?» Marsile ouvre les yeux, pousse un cri, cherche en vain une issue pour fuir et tombe inerte, les yeux hagards, les cheveux hérissés, le corps baigné de sueur. Est-ce ainsi que l'on reçoit un fils après 9 ans de séparation ? Ouvrez-moi donc vos bras, cher Seigneur, je suis avide de caresses. À la vue de Mourad qui s'approche, Marsile, épouvanté, se redresse, veut l'éviter, mais il ne peut faire un pas. Le mort le prend alors dans ses bras, le presse contre sa poitrine qui craque sous cette étreinte, le couvre de baisers glacés qui laisse sur le front et les cheveux blancs du roi de Saragosse autant d'empreintes sanglantes. « Laisse-moi, laisse-moi !» crie le vieillard. « Que t'ai-je fait ? Que me veux-tu ? Je veux que tu me venges de ce Roland de France. Je te vengerai, Mourad, mais laisse-moi si tu ne veux pas que je meure. » Et Marsile, réunissant toutes ses forces, se dégage des étreintes de son fils et court à l'extrémité opposée de la salle. « En vérité, cher Seigneur, vous n'avez pas changé. Tel je vous ai laissé il y a 9 ans, tel je vous retrouve. Vous m'avez adressé 2 questions tout à l'heure. Je vais y répondre. Que me veux-tu ? M'avez-vous dit. À cela, j'ai répondu. Je veux que ma mort soit vengée. Je veux que ce Roland maudit et tous ceux qui l'aiment reçoivent un châtiment dont le souvenir ne s'efface jamais de la mémoire des hommes. Je m'étonne qu'un père aussi tendre, qu'un monarque aussi juste, ait tant tardé à y songer. Que t'ai-je fait ? Avez-vous ajouté. Voilà, par Mahomet, une question qui eût bien fait de mourir sur vos lèvres. Et puisque votre conscience ne vient pas au secours de votre mémoire, je la remplacerai. Vous ne vous doutez pas, cher Seigneur, de tout ce que la mort nous révèle. Ce que l'on doit le plus maudire en elle, ce n'est pas de vous enlever à ce monde, mais bien de mettre le passé à nu devant vous. De faire litière de toutes vos illusions, de toutes vos croyances, et de vous apprendre, par exemple, que l'on a eu un père tel que vous. » Le roi Marsille grattait de ses ongles la muraille à laquelle il était adossé, comme s'il eût espéré s'y creuser un refuge. Mourad reprit. « Tant que je fus enfant, je n'occupais, pour mon bonheur, aucune place dans votre vie. Cependant, le jour où vous me vîtes revenir vainqueur d'une lionne et de ses lionceaux, vous avez commencé à m'observer. J'ai grandi près de vous, et je crois que si la sultane Adrama, ma mère, ne m'avait pas embrassée de temps en temps, je serais devenue une bête fauve et non un homme. Mon nom devint fameux. Mes prodiges de bravoure et d'intelligente audace vous valurent plusieurs royaumes. En peu de temps, je doublais vos états. Votre jalousie grandissait avec mon renom, et, ne pouvant regarder en face l'éclat de ma gloire, plutôt que de baisser les yeux, vous résolûtes de me faire disparaître. À partir de ce moment, je me vis en butte à 1000 pièges, à 1000 embûches, dont je ne triomphais que par miracle, et dont je ne soupçonnais jamais l'origine. » Marsille voulut nier, mais sa voix mourut dans son gosier desséché. Vos esclaves, un jour, découvrirent un serpent gigantesque, un python formidable, et le tuèrent. C'était une femelle. Sa mort eût fait 20 orphelins si vous n'aviez pas donné l'ordre d'étouffer toute sa famille. Le père seul vous échappa. Une fois en possession de ce trésor de venin, vous vous demandâtes ce que vous pouviez bien en faire, et comme vous n'êtes ni égoïste ni oublieux, vous voyez que je vous rends pleine justice. Vous ne tardâtes pas à songer à moi. Vos fidèles prirent les 20 petits, les semèrent depuis le nid jusqu'à ma chambre, puis ils cachèrent le corps de la mère sous ma couche. Une fois la nuit venue, le mâle suivit de cadavre en cadavre le chemin que vous lui aviez si obligeamment fait tracer, et plein de rage, il arriva près du lit où je reposais. Je vous épargnerai le récit de ce qui suivit, cela vous fendrait le cœur. Toujours est-il qu'en me voyant paraître le lendemain, vous avez froncé le sourcil. Vous fûtes même de fort mauvaise humeur quand je déposais à vos pieds les 2 serpents, dont un seul me devait la mort. Il se trouva fort à propos que j'avais battu la veille un de vos esclaves. On décida qu'il avait voulu se venger de moi, et dans votre empressement à me faire rendre justice, vous lui fîtes trancher la tête avant qu'il eût le temps de vous répondre. » Marsille tomba à genoux. Je ne vous parlerai que brièvement de ce cheval affolé par un breuvage et qui m'emportait vers un gouffre sans fond. Grâce à Allah, je ne perdis pas la tête. J'appliquai à ma monture un tel coup de poing entre les 2 oreilles qu'elle tomba inanimée et me fit rouler à quelques pas du précipice que vous aviez rêvé de me donner pour tombeau. Le lendemain, quand je me levai, je vis un spectacle étrange. Vous aviez, dans votre justice, fait donner le pal à mes gens d'écurie, tous dévoués à ma personne, et vous les aviez remplacés par des créatures à vous. » Marcille cacha sa figure dans ses mains. « Enfin, après 10 ans de vains efforts, vous résolûtes de m'envoyer à ce tournoi de France où j'ai trouvé la mort. Certes, je pourrais vous en vouloir et vous faire payer cher vos fantaisies passées, mais je vous apporte le pardon et n'exige qu'une seule chose en échange. Mais il me la faut et je l'aurai. » Marcille releva la tête. Angoulafre, Priamus, Corsablix et toutes les victimes qui ont partagé mon sort vous parlent par ma bouche. Nous voulons la mort de Roland et des pères de Charlemagne. Jurez de nous venger. Je vous le jure, Mourad, balbutia le vieillard. Donnez-moi votre main. Et Mourad s'avança. Marcille poussa un tel cri que ses gardes arrivèrent. Ils trouvèrent le roi étendu sur le sol, les vêtements en désordre et balbutiant des mots sans suite. « Ne me quittez pas, ne me quittez jamais !» disait-il en se traînant aux pieds de ses soldats. « J'ai vu Mourad, il demande vengeance, ses baisers m'ont glacé. Vous ne me quitterez pas, vous me le promettez. D'abord, si vous me quittiez, je vous ferai donner la mort. » On courut chercher les plus savants docteurs qui constatèrent que sa hôtesse avait un transport au cerveau. Mais personne n'osa lui annoncer une chose pareille. Marcille ne reçut aucun soin. C'est ce qui le sauva. Peu à peu, le souvenir de cette scène terrible s'effaça dans son esprit, et un mois après, il l'avait presque oublié. « À mon âge, aller en guerre, se disait le roi de Saragosse. Quelle folie! J'ai les plus beaux états du monde. Charlemagne me laisse en repos et j'irai le provoquer? Non, vraiment, j'ai fait un mauvais rêve et ne tiens pas à me ménager un plus mauvais réveil encore en allant tirer la moustache au roi des Francs. Dormez au frais, seigneur Mourad, et laissez-moi reposer en paix. » À partir de ce moment, Marcille ne passa plus un jour sans recevoir la visite de son fils. Il se fit garder à vue, mais vainement. Alors il chercha comment écarter cette effroyable vision, et une nuit il résolut de l'attendre de pied ferme, son candiard à la main. Mourad vint comme à l'ordinaire et s'approcha de son père. Mais celui-ci, en 4 coups de son arme, fit voler la tête, les bras et les jambes du mort. Puis il respira plus librement. Alors la tête se mit à rire, et l'un des bras, ramassant l'arme que Marcille avait laissée tomber, la lui tendit. « Reprenez ce candiard, cher seigneur, c'est celui que j'ai porté longtemps et que vous m'avez donné lorsque j'étais enfant. L'avez-vous oublié ?» Le roi, plus affolé que jamais, plaça en frémissant les membres de son fils sur un tapis dont il noua les 4 coins. Il descendit dans le jardin, toujours courant, traînant son effroyable fardeau, poursuivi par les éclats de rire de la tête qui remuait sous sa main. Arrivé au fond du parc, il creusa 6 fosses profondes. Dans la première, il mit la tête, dans la seconde, le bras droit, dans la troisième, le bras gauche, dans la quatrième, la jambe droite, dans la cinquième, la jambe gauche, et dans la sixième, le tronc. Puis il recouvrit le tout de terre et rentra en courant, sans oser regarder en arrière. Marcille gagna à cela 1 mois de répit. Mais un jour, la sultane lui demanda de l'accompagner au fond du parc. Elle y avait vu des fleurs inconnues qui répandaient un parfum si suave qu'on avait peine à les quitter lorsqu'on s'en était une fois approché. Le roi refusa avec tant de trouble qu'Adrama, étonné, redoubla d'insistance. Il dut céder. À mesure qu'il approchait, son sang se glaçait dans ses veines, ses yeux se couvraient de nuages, ses dents claquaient. Bien qu'il marchât le plus lentement possible, il fallut arriver à l'endroit terrible où reposait son fils. « Voyez, dit la sultane, comme ce gazon est épais. En avez-vous jamais vu de pareil ?» Et Marsile, épouvantée, vit que des cheveux avaient poussé et couvraient la terre sur laquelle il posait le pied. « Et ces fleurs ?» reprit Hadrama, charmée, en se baissant pour en cueillir. « Je n'en ai jamais vu d'aussi belles. » Et Marsile crut voir autant d'yeux au regard perçant qui ouvraient et fermaient leurs paupières. La sultane cueillit une des fleurs et la plaça dans ses cheveux. « Est-il un parfum plus doux que celui qu'elle répande ?» Et Marsile crut sentir une odeur de tombeau. « Les oiseaux viennent en masse se poser sur les branches, écouter leur concert. » Et Marsile crut entendre un éclat de rire souterrain, et il vit alors que chacune des feuilles de ces arbres étranges avait la forme d'une langue. Lorsque le vent les agitait, des voix murmuraient. « Cher Seigneur, vengez-moi !» Le roi de Saragosse tomba à genoux et se mit en prière. De grosses larmes roulaient sur sa barbe blanche. « Semez le crime, disait-il en regardant la terre, et vous recueillerez le remords. » Le lendemain, il réunit ses pères et leur annonça son intention de venger Mourad.